Les participants à la 10e exposition internationale des livres scientifiques et techniques de Pyongyang ont adressé le 28 septembre une lettre au maréchal Kim Jong-un. Voici le résumé. Grâce aux efforts et coopérations sincères des formations de divers pays et des institutions internationales, la 10e exposition internationale des livres scientifiques et techniques de Pyongyang s'est déroulée fructueusement, conformément à ses buts et missions, destinés à contribuer à encourager le progrès et la prospérité commun de l'humanité et au développement des relations d'amitié et de coopération entre les pays. L'exposition tenue au Palais des sciences et techniques, aménagée à merveille comme lieu d'étude de tout le peuple, prouve clairement la perspicacité incomparable de Son Excellence M. Kim Jong-un et la vitalité de la politique du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, privilégiant les sciences et techniques. Les participants lui ont formulé de la vive reconnaissance d'avoir accordé de profonds intérêts et sollicitudes à l'exposition. Ils se sont convaincus que sous la direction de Son Excellence M. Kim Jong-un, la Corée entrera dignement au rang des puissances scientifiques et techniques du monde dans un proche avenir. Finalement, ils ont souligné qu'ils dynamiseront toujours les échanges et coopérations scientifiques et techniques à travers l'exposition internationale des livres scientifiques et techniques de Pyongyang.